ô Père, pour créer ce monde, tu as envoyé ta parole. Mais pour me sauver, Jésus, tu as versé ton sang précieux. Purifie-moi, Seigneur. Alléluia. Mais la carte m'a quitté encore, répète. kilama Yesu Esikolanga Epetolanga Epesanga pomoi.